traversa la Béarès, bientôt Naouri Caldour da Bétinère Nidarès, prima d'era a Chiornu. Qui vient de mes montagnes, entre mes mains s'est reposé, que mon destin perd ou qu'il gagne, je vais demain le renvoyer auprès de toi, mon ami. Te dira.